On va parler avec le président des Capitales de Québec, Michel Laplante, qui a fait, je l'ai écouté vendredi sur les ondes de Montréal Live à Radio X Québec, et il a parlé un peu que si les Capitales ne jouaient pas cette année, il serait possiblement en danger. On rejoint le président des Capitales, Michel Laplante. Salut, Michel. Salut Denis. Michel, effectivement, écoute, je t'ai entendu vendredi à Radio X et je t'appelle parce qu'évidemment, je voulais t'appeler pareil parce que la Ligue Frontier, vous envisagez la possibilité de jouer aux États-Unis cette année, étant donné qu'il n'y a pas grand débouché et on ne voit même pas quand est-ce que ça va revenir. Ben c'est ça, on en fait trois options. C'est celle de jouer le 27, 28, 29 mai comme l'horaire prévu, mais sans spectateur. Par contre, le problème, c'est la frontière qui est fermée. Est-ce qu'elle va être ouverte à partir de dans 6 semaines lorsque tous les Américains auront été vaccinés? On pense que non. Je veux dire, cette option-là reste ouverte, mais ça va être plutôt difficile. Donc, le plan B, qui serait celui que jusqu'au 1er juillet, on irait jouer aux États-Unis, incluant le camp d'entraînement. Donc, ça pourrait être une solution. Puis à partir de juillet, on a un calendrier qui revient un peu à la normale. Évidemment qu'on perd une dizaine de matchs. Même une quinzaine de matchs en mai-juin à Québec. Et la dernière solution, c'est celle de ne pas jouer du tout, qui est possible aussi, dépendamment de ce qu'on va avoir comme aide ou pas cette semaine. On a demandé un prêt. Et si on est capable d'avoir un peu d'aide à ce niveau-là, ben peut-être qu'on est capable de prendre ce risque-là. Mais ça ne sera pas une décision facile à prendre cette semaine. Tu dis le 1er juillet, mais je suis pas sûr mais que le 1er juillet, même le 1er juillet, que ça va être ouvert. Je regarde les Blue Jays de Toronto qui parlent de jouer à, qui parlent de déménager à Buffalo et que Buffalo, les Bisons déménageraient à Trenton. Donc, s'ils parlent de ça, c'est parce que c'est loin. Le 1er juillet, c'est loin d'être sûr aussi. Puis si premier, là, votre plan, c'est de jouer jusqu'au 1er juillet aux États-Unis, mais si la frontière pour ouvrir le 1er juillet, on fait quoi? Les matchs qui sont supposés être dans l'agenda entre le 1er juillet et le 10 septembre sont transférés aux États-Unis. Donc, on passe une année complète de l'autre côté, ce qui serait aussi là, catastrophique là, au niveau des budgets puis tout ça. Donc, écoutez, c'est ça. Ça dépend de quel sens. Est-ce que le gouvernement canadien est prêt à mettre une croix sur tous les événements cet été qui impliquent la venue là, des gens ici, que ce soit la Coupe Rogers, que ce soit le Grand Prix de Formule 1, que ce soit. Écoute, il y a beaucoup d'événements aussi qu'on connaît pas, là, qui ont lieu là, quand on regarde toute la liste. Ça va dépendre. Encore une fois, ça dépend je pense qu'il y a beaucoup économiquement qui sont en jeu avec les Américains dans tout ça. À partir du moment que tous les Américains sont vaccinés, est-ce qu'il y a vraiment un danger? Ça sera la décision du fédéral. Puis ça sera à nous aussi de cette semaine d'évaluer c'est quoi les possibilités d'un côté ou de l'autre. Tu as rencontré la santé publique, eux autres. J'ai rencontré le président des Alouettes également. J'ai parlé avec le président des Alouettes, Mario Cecchini, vendredi aussi. Puis Mario, il les a rencontrés. Il espère évidemment avoir des annonces positives, mais il faut savoir lire entre les lignes. Je pense qu'il pense septembre du côté des Alouettes. Donc, certainement qu'au mois de juillet. Est-ce que tu as rencontré la santé publique pour les mêmes raisons, Mario, que Mario Cecchini? En fait, on tente d'avoir de l'information. On comprend que la santé publique donne l'information qu'elle peut, mais que ça change à tous les fois. Il va y avoir une Pour ces troisième vague politiques aussi. à ce moment-là, exactement. Donc, il y a toutes sortes de décisions à prendre dans tout ça. Là où c'est le plus étanche, puisqu'on n'arrive pas à avoir aucune nouvelle, c'est au niveau du fédéral pour la frontière. Encore une fois, de nous donner des indices dans tout ce qui bouge présentement et puis qui fluctue, ça serait difficile pour eux. Fait que en même temps, je comprends que ce soit un peu difficile. Mais écoutez, je pense que c'est pas juste l'attitude des gouvernements, c'est l'attitude aussi des Canadiens. Je veux dire, le gouvernement va bouger selon la pression qu'il sent des gens au Canada. Puis est-ce qu'on pense que c'est important d'ouvrir la frontière ou pas? Je pense qu'on minimise l'impact que ça peut avoir de pas l'ouvrir. Puis en même temps, ben, si c'est pour sauver des vies, ben, c'est un argument qui est difficile à défendre de l'autre côté. Donc, on suit ça de très près à tous les jours. On est impliqué directement là-dedans parce que nous autres, on a un impact direct. Mais en même temps, il n'y a rien qu'on peut faire. On regarde tout ça. Puis si on joue pas cette année, ben, évidemment que pour tout le personnel, c'est très difficile. Ben Donc, oui. on parle la plupart du personnel. Les joueurs, Les joueurs, ça, c'est un autre facteur. Les joueurs qu'on a mis sous contrat cette année, ben c'est sûr qu'on les empêchera pas d'aller jouer aux États-Unis cette année dans les ligues aux États-Unis. Donc, ces joueurs-là, on les perd aussi. Donc, l'impact est très plate, mais c'est quoi notre impact quand on le compare à l'impact que ça a un peu dans tout? Il faut se détacher un petit peu, puis quand on est un peu trop dense, c'est ce qu'on fait. On se dit, bon, ben, il y a peut-être encore pire. Fait que... Là, on a parlé des aigles, des toits et des capitales. Tu parles des capitales, tu sais pas la situation des aigles. Si tu as fait la demande aux aigles, aux capitales, qui est quand même, je pense, plus en santé que les aigles, est-ce que les aigles, c'est la même chose? J'imagine que... Oui, les aigles sont dans la même situation. On fait toutes ces demandes-là ensemble. Okay. Même chose pour Ottawa, l'équipe des Titans d'Ottawa qui est dans le même circuit que nous. Donc, c'est ça qu'il y a. C'est ce qui est en jeu là, pour moi, là, qui est difficile, ben, c'est les trois équipes ensemble. Là, c'est quoi? 250 emplois. Donc, c'est un impact sur le baseball amateur aussi, parce que chacune des organisations est très impliquée. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait tout pour essayer de jouer aussi. C'est tout l'impact que ça a sur l'ensemble. C'est pas juste de présenter nos matchs. Il y a un impact qui est plus grand que ça. Puis on veut s'assurer avant de prendre une décision ou de l'autre, d'avoir bien mesuré toutes les dépenses que ça engendre, puis tout ça, puis c'est quoi les facteurs. Puis c'est ça. À travers tout ça, on tente de regarder avec le plus d'envergure possible tout ce que ça peut créer. Évidemment qu'on est conscient, plus on avance, que de ne pas jouer du tout serait aussi très, très, très difficile à reprendre. Donc, ne pas avoir de match pendant 30 mois, c'est ce que ça ferait en tout, là. C'est pas facile non plus. Ta demande de prêt que tu as demandé au gouvernement provincial, est-ce que ce serait pour survivre jusqu'au mois de juillet ou ce serait de survivre toute la saison? C'est de réussir à compenser pour les matchs qui n'ont pas lieu à Québec et à Trois-Rivières. Donc, c'est une forme de prêt présentement. Donc, on n'a pas eu d'aide provinciale depuis le tout début. Donc, ça fait presque 2 ans là, qu'on est sans match. On n'a pas eu d'aide encore. On a eu une aide de la ville de Québec, mais pas du côté provincial. Donc, on s'attend à avoir au moins un peu d'aide. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas, qu'on devrait... Il devrait avoir un des programmes qui puisse nous aider dans tous les programmes qui ont été mis en place. Mais on espère que la réponse va être positive cette semaine. C'est clair. Dis-moi, parle-moi un peu du côté, un petit peu de la suite des choses. Je pense que vous avez quand même eu une oreille attentive du côté du gouvernement provincial. Hein? Là-dessus, tu viens de me le dire un peu qu'il y a un programme qui marcherait là-dedans. Non, c'est ça. On sent qu'il y a une écoute. Maintenant, il n'y a rien qui s'est concrétisé jusqu'à date. Fait qu'on va attendre. Ouais. OK. Dis-moi, maintenant, est-ce que c'est trop que l'avenir des capitales se joue peut-être cette semaine? Est-ce que c'est exagéré de dire ouais. ça? Oui. Oui, absolument. Oui, absolument. La décision qu'on va prendre va être vraiment, vraiment, vraiment importante. C'est dommage. J'arrive des assises là, de la Ligue cette semaine. Puis il y a tellement de. L'effet qu'on soit 16 équipes, il y a tellement de belles nouvelles qui s'en viennent puis qui seraient le fun. C'est pour ça qu'en même temps, on veut pas arrêter ça de cette façon-là. Puis de l'autre côté, ben est-ce que les équipes américaines ont vraiment besoin de nous dans ce contexte-là d'insécurité? Ça veut dire que le baseball se joue à tous les jours. On s'engage avec eux pour une saison, puis on arrive dans 3 semaines. Si on les disait dans 3 semaines, 1 mois, ben finalement, le 7, 8, 9 juillet, on va pas jouer chez vous. Au mois de juin, on va pas jouer chez vous. Imaginez les pertes que ça représente. Fait que c'est pour ça qu'ils ont été quand même assez bons collègues dans tout ça en disant d'ici on va donner une semaine de sursis, puis jeudi, vous nous donnez une réponse si c'est possible d'embarquer ou pas. Mais ils ont besoin d'une réponse. On va être rendu à 1 mois de la saison. Et ils ont été déjà très, très, très bons avec nous d'avoir permis encore une fois ce délai-là. Mais à un moment donné, il faut le donner. Ben oui, surtout que, Michel, donc, surtout ce que tu me dis aussi, c'est que la Ligue Frontier, 16 équipes, t'sais, on n'est plus dans la Ligue. Moi, j'étais très enthousiaste face à ça parce qu'on n'est plus dans l'histoire de 4-5 équipes. Là. On est 16 équipes, puis ça va monter à 24 probablement l'an prochain. Écoute. Puis aux États-Unis, ça recommençait à vivre. Contrairement au Québec, là, il n'y a pas d'histoire de variants, puis il n'y a pas d'histoire de ci, puis de ça. Ça recommence à vivre. Donc, c'est ça qui est le fun. Puis ce serait vraiment, vraiment, vraiment, vraiment dommage tout ce qui se passe actuellement. En tout cas, ça peut donner espoir que, comme le gouvernement provincial a dit il y a quelques semaines, que le 24 juin, on devrait être en meilleure position parce que tous les Québécois devraient être vaccinés. Si c'est le cas, ben, peut-être qu'on pourra penser mettre au moins 25% en industriel puis avoir du baseball chez nous. Ça serait quoi du côté rentabilité, si jamais, à partir du 1er juillet, est-ce que vous avez fait un scénario, mettons que le 1er juillet, vous revenez, vous pouvez mettre 25 à 50% du monde, est-ce que c'est, probablement plus de 25%, ouais, vous, à 25%, vous, est-ce que c'est pas tard? À 25% à partir du mois de juillet, évidemment qu'on parle pas dans tous les scénarios qu'on a présentés, on parle pas de rentabilité, là, on parle d'amortir le déficit. Donc, c'est des pertes là dans les meilleurs cas autour de 200-300 000, puis dans le côté le plus négatif de 700-800 000 $. Donc, on est dans ces eaux-là. On va travailler fort pour minimiser les pertes de ça, mais de ne pas jouer du tout, c'est là que c'est dur à mesurer l'impact que ça aurait sur l'organisation qui, en fait, de ne pas jouer du tout pourrait être encore pire. Effectivement. Donc, surtout cette semaine, puis ça, j'ai parlé avec Pat la semaine passée, il a fait une belle acquisition d'un ancien joueur des Blue Jays, il travaillait sur un autre beaucoup. Donc, tu sais, c'est vraiment dommage. Michel, on va suivre le dossier de presse, on va se reparler cette semaine si tu permets. Ah, j'ai du temps en masse. T'as du temps en masse, c'est en conflit. Oui, effectivement. Ça va pas faire grand-chose. Michel Laplante, le président des Capitales de Québec.